Portrait d'assaut sur Fadjet. Le 23 avril avait lieu au parc de la Pépinière une journée de prévention au cancer. Et parmi les associations présentes, Jeunes et Roses, qui accompagne des jeunes femmes touchées par le cancer du sein, cancer le plus présent chez les femmes en France. Julie, ambassadrice du Grand Est, nous explique les origines de cette association, créée en 2017 à Bordeaux. C'est deux jeunes femmes qui avaient moins de 40 ans et qui ont découvert qu'elles avaient un cancer du sein. Elles se sont retrouvées en soins, toutes les deux, et elles ont beaucoup échangé, elles sont devenues amies. Elles se sont rendues compte en fait qu'elles avaient des problématiques en étant des jeunes femmes, autres que des associations qu'on peut retrouver quand on a plus de 50 ans. Du coup, elles en ont voulu créer une association. Et depuis, l'association a beaucoup pris de l'ampleur et on se retrouve avec de nombreuses ambassadrices dans toute la France, et notamment 6 sur le Grand Est. L'objectif ? Accompagner, alerter, sensibiliser à travers 3 principales missions. La première, c'est d'être étonnante. Donc en fait, c'est des rassemblements de jeunes femmes qui viennent d'apprendre qu'elles ont un cancer, et on leur propose de se réunir entre elles en leur proposant des moments un peu des bulles d'air. Donc ça peut être des séances de yoga, ça peut être autour d'un restaurant, ça peut être autour d'un concert. La deuxième des choses, c'est qu'on a un pôle de sensibilisation, donc on intervient dans les lycées ou dans différents stands de prévention pour on appelle ça des ateliers poète-poète pour faire en fait de la prévention sur l'auto-examen mammaire. La dernière en fait c'est alerte rose, et le but c'est d'échanger sur nos problématiques qu'on a rencontrées en étant jeune patiente avec du personnel soignant. L'association accompagne donc des femmes de moins de 50 ans aussi concernées, puisque plus de 12 000 femmes entre 18 et 49 ans sont touchées par le cancer du sein en France. Pour un cancer du sein, le dépistage est prévu à partir de 50 ans. Bien sûr, c'est hyper important avant, parce qu'on s'est rendu compte sur toutes les ambassadrices ou encore toutes les pinkettes qu'on appelle les jeunes femmes touchées, elles ont dû pousser en fait avec leur médecin pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, on leur disait trop souvent, mais non, c'est pas possible, vous êtes trop jeune, vous inquiétez pas. Et finalement, on se rend compte que si, il peut y avoir quelque chose. Et même si le sujet est de plus en plus évoqué, il peut rester tabou. Il y a plus en plus de cas de jeunes femmes et on commence de plus en plus à en parler. Après, c'est vrai que la période où on en parle le plus, ça reste octobre rose. Donc là, tout le monde potentiellement se sensibilise plus sur cette période-là. Mais nous, on est là aujourd'hui et on n'est pas en octobre parce qu'on sait que c'est toute l'année en fait cette problématique-là. Chez les jeunes, c'est vrai que ça reste des sujets où il faut, quand on parle de s'autopalper, ça reste aussi son corps. Donc il y a tout ça aussi qui n'est pas toujours facile. En 2017, elles étaient 2 dans les couloirs d'un hôpital à Bordeaux et aujourd'hui, elles sont 80 partout en France avec un message. Palpez-vous. Donc une fois par mois, en dehors des règles, il y a toute une technique. En fait, nous, on propose un petit tuto. Il faut que ça reste de la bienveillance envers soi. Et comme on explique aux jeunes, plus tôt on connaît son corps, mieux on connaît son corps, plus on pourra sentir quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Et c'est ça qui peut faire alerter, parce qu'on sait que plus tôt il est détecté et le pourcentage de guérison est énorme. Le cancer du sein touche plus de 60 000 femmes chaque année en France et peut être guéri dans 9 cas sur 10 s'il est diagnostiqué suffisamment tôt. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.